paraît morose, je n'attends plus rien des autres. La tête sous l'eau, je respire à nouveau. Plus rien n'a d'importance que d'entendre mes silences. La tête sous l'eau, je m'écoute à nouveau. Je crois que le ciel me fait signe quand je regarde le monde à l'envers. C'est comme retrouver mes racines, retourner au ventre de ma mère. En plus, la tête sous l'eau, j'émerge à nouveau. Toutes les nuits sans sommeil, les pensées qui s'en mêlent. La tête sous l'eau, je dors à nouveau. Pas finir comme tous ces gens qui perdent la tête.